Voici monsieur Guillermo Gilles. Oui. Allez, ça va, ça va les amigos, pardon, mes feuilles étaient un peu... vous savez que de temps en temps, dans cette émission, j'aime bien révéler ma correspondance privée avec Nagui. Génial. Chaque fois, il me fait « t'as pas le droit !» Et c'est vrai, du coup, je le fais, quoi. Nagui, c'est vous qui m'avez dit « de toute façon, l'éthique, c'est un truc pour les femmes ». Je me rappelle, vous avez dit ça. Est-ce que ça fait de moi un traître? On va laisser les prud'hommes se prononcer. Et là, dans sa tête, Nagui se dit « putain, qu'est-ce que j'ai encore écrit ?» Vous inquiétez pas, c'est pas la fois où vous m'avez dit « si jamais tu connais un maire de France, s'il te plaît, dis-lui de parrainer Marine. » Mais non, c'est pas celui-là. Je vous ai déjà dit, pour les parrainages de Marine, vous voyez direct avec Leïla, oui. C'est elle le relais avec la famille Le Pen. C'est un travail de fourmi, hein. Elle est sur les marchés et tout. Non, je parle de notre discussion sur Seaspiracy, Nagui. Oui. Vous rappelez le documentaire Netflix Absolument. Qui parle de l'impact environnemental de la pêche. Ouais. Alors, alerte spoiler, c'est pas ouf, hein. L'impact environnemental de la pêche. Globalement, c'est rare les documentaires où à la fin on dit, en fait, bah, tout va bien, changez rien. Il n'y a jamais personne qui dit, j'ai vu un docu sur la forêt amazonienne, ça repousse, nickel. Non, au fond de moi, je savais qu'en regardant Seaspiracy, j'allais devoir arrêter le poisson. J'ai eu ça avec le livre antispéciste de Émeric Caron, j'avais arrêté la viande. J'ai eu ça avec l'album de Vianney, j'avais arrêté la musique. Bravo. J'ai arrêté la viande il y a 4 ans, mais je continuais à manger du poisson. Tu vois. Donc, du coup, chaque fois que je disais en public que j'étais végétarien, il y avait une sole qui faisait Mito. Sérieux. Et mon argument, c'était dans ma tête, les poissons, ils ressentaient moins la douleur et le stress de la mort. Et je me disais, le poisson, quand il meurt, il doit juste se dire, tu vois, tiens, elle est inhabituelle, cette sensation, non? Avant, je respirais, non? Enfin, vraiment, je pensais que c'était ça, un poisson. Mais en fait, dans Seaspiracy, on comprend que les poissons, ils sont plus sensibles et plus intelligents que je croyais, quoi. Ça, enfin, intelligent, c'est pas qu'un cabillaud, c'est nobilisable, tu vois. Je veux dire, mais une dorade, ça peut aller dans tes PMP. Franchement, ça impacte le niveau du truc. Vraiment. Il y a un nom pour ce que j'étais depuis 4 ans. En fait, j'étais péchétarien. Péchétarien, je le savais pas. Mais j'étais le monsieur Jourdain du péchétarisme. Quoi. Tu vois, là, il y a une sole qui fait arrête de faire le type qui a Luc Knock. Et toi, arrête de m'interrompre, sole imaginaire. Vraiment. Du coup, je mange plus de poisson non plus. De temps en temps, je mange des crevettes. Je suis crevettarien, je pense. Mais comme je les aime bien, glace au cocktail, je sais pas s'ils vont en crevettarien. Tu vois. Et oui, cette blague vient d'être élue pire vanne de l'année. Non. Ça a été constaté par huissier. Mais quand vous amenez tous de la qualité, peut-être oui, dans cette émission, genre Morgane, ça fait 2 ans qu'elle commence chaque chronique par Mélanie Thierry, Félix Moati, je ne vous aime pas. C'est le nom de sa chronique en fait. Mélanie Thierry, Félix Moati, je ne vous aime pas. Elle parle de vous en mal tous les jours, quoi, vraiment. Même quand l'invité, c'est Jean Dujardin et Marion Maréchal, elle dit Félix Moati, je ne vous aime pas. C'est vrai. Bref, quand j'ai lu Seaspiracy, j'ai direct envoyé un message à Nagui et il m'a répondu oui, c'est vrai, c'est un film de bandits et de mafia, sauf que mais c'est un docu. C'est vrai, t'avais dit ça. Salaud. Et il avait ajouté cette phrase mythique, en mangeant plus de poissons, on les nique. Tu te rappelles comment il dit ça? Oui, ça oui. On les nique, putain, dans sa tête, Nagui, c'est Elliot Ness. Il dit, on nique la mafia. Chaque fois qu'il ramène un chourave à la maison, il dit, là, je vous nique, c'est comme ça. Et peut-être que c'est vrai, peut-être qu'on les nique en arrêtant de manger du poisson, mais moi, en vrai... Je mangeais pas tant de poissons que ça, quoi. C'est pas que quand j'ai arrêté le capitaine Iglo, il se fait, ah, ça va nous faire un vide, vraiment, tu vois. Peut-être pas vous, Nagui, peut-être que vous, au petit déj, mangez 2 murènes, 3 poissons clowns, tu vois. Peut-être quand vous avez arrêté, ils ont rouvert une mer. Peut-être, c'est possible. Mais moi, je sais que c'est limiter mon apport individuel à la cause. Il y a plein de fois où je me demande pourquoi je m'inflige ça, putain. Plus je gagne ma vie, moins je mange des trucs que j'aime. C'est paradoxal, quand même, non? L'autre jour, j'ai cuisiné du panais, véridique, du panais, quoi. Je crois que je préfère manger un chewing-gum dans un cheveu, vraiment. Ça pose la question des plaisirs individuels. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Quartier Rouge, le plaisir et la gauche. C'est un ouvrage vraiment incroyable. Je vais être très clair, je ne l'ai pas lu. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendu que dans l'équipe on fasse putain, il lit des livres, oh le snob. Non, je ne veux pas ça. Mais c'est vrai que l'auteur il disait que la gauche avait abandonné la notion de plaisir à la droite en fait. Et avec cette phrase incroyable, puisqu'on ne peut plus transformer le monde, on va changer nos vies et les purifier. On purifie nos vies, Nagui. Mais hier, je suis passé au canal Saint-Martin, il n'y a aucun poisson qui m'a fait « Merci Ernesto, grâce à toi, ma belle-sœur est encore à la maison, on a pu faire la chandeleur !» Nique la mafia. Allez, bonne émission. Merci.